New York première. Faustine n'en revient pas. Elle vole vers l'Amérique avec l'homme de sa vie. Dès son retour de Londres, maman envoyait la demande de visa indéfinie, telle que suggérée par Maxime. Une semaine plus tard, Faustine recevait son passeport, orné du permis d'entrée en terre promise. Le jour prévu se rencontraient chez elle les deux personnes qui comptent le plus à ses yeux, sa mère et son amant. Faustine avait briqué son intérieur comme jamais, allumé des bougies, disposé des cendriers et posé sur le pick-up le disque préféré de maman, Frank Sinatra, Strangers in the Night. Maxime est arrivé à quelques minutes de retard, juste le temps nécessaire pour faire monter la tension. « Arrête-moi ce gueulard, veux-tu ?» a éructé la reine-mère en désignant le tourne-disque à Faustine, avant de serrer la main d'un Maxime qui hésitera à faire la révérence. Le ton est donné. Des années plus tard, Faustine restera incapable de se remémorer le contenu exact de la conversation qui s'est tenue ce jour-là. Il est des souvenirs qui s'occultent d'eux-mêmes. Faustine s'est assise, disponible et muette, après avoir veillé au confort de chacun. Elle les a écoutés parler d'elle, comme si elle était absente. Un morceau de viande sur un étal, pour lequel on discute d'une recette. Faustine n'a pas compris qu'il ne jouait pas dans la même cour qu'elle. Maxime et sa mère n'ont que 7 ans de différence, alors qu'entre Maxime et elle, il y en a 15. Deux adultes se disputaient leur influence sur une gamine. Finalement, Maxime, dans un sursaut de conscience, a coupé brutalement. « Mais enfin, madame, comme vous en parlez, avez-vous réalisé que j'aime votre fille et que je vais l'épouser ?»« Ah ?» Oui, mais bon, j'espère bien, mais je trouve quand même certaines de vos méthodes rocambolesques. Cette idée de disparition, par exemple. » C'est tout ce qu'elle a trouvé à dire. Faustine, perplexe, a oublié la réponse. Mais au vu du résultat, nul doute que son chéri a su convaincre. Le reste du monde peut bien s'écrouler, elle a obtenu satisfaction. En sus de l'assurance que sa chère mère, désormais acquise à leur cause, ne leur mettra plus de bâton dans les roues. La preuve, ils sont en route pour l'Amérique. Maxime ne fumant pas a choisi dans l'avion des places ad hoc. Faustine a vite repéré l'espace fumeur et surtout l'open bar. Vin, bière, scotch à discrétion. Elle se désaltère chaque fois qu'elle en grille une, ce qui ajoute à son euphorie. Maxime lui a expliqué les 6 heures de décalage entre Paris et New York, une histoire de fuseau horaire, et aussi le fait qu'on s'éloigne du soleil quand on vole dans cette direction. Ça semble logique. En outre, on met plus de temps à aller aux USA qu'à en revenir, presque une heure de plus, parce qu'il existe en haute atmosphère des vents d'ouest permanents qui accélèrent l'avion lorsqu'il va d'ouest en est, mais le ralentissent lorsqu'il vole à contre-courant. Partis à 10h40 de Roissy-Charles-de-Gaulle, ils arriveront à 13h20, heure locale, à JFK. Faustine n'a rien compris. Elle a encore tout à apprendre sur le lever et le coucher du soleil. Mais elle sent qu'elle va adorer. Pendant la descente vers l'aéroport de New York, on leur fait remplir un questionnaire très sérieux. Maxime a une manière très fantaisiste de le remplir qui fait hurler Faustine de rire. Sexe, oui. Travail, et puis quoi encore? Avez-vous de la drogue sur vous? Cherche. Faustine accomplit consciencieusement son devoir. Pas comme ça, bien sûr, soyons sérieux. Mais elle reste choquée par la question du genre. Pour répondre homme ou femme, on doit cocher mâle ou femelle. Male ou female. Appellation qu'elle retrouvera inscrite sur chaque visée, document à compléter, etc. Elle considère ces termes à la fois laids et péjoratifs, surtout pour les femmes. En Angleterre, ils sont bien plus raffinés. Ils écrivent « ladies » et « gentlemen ». Une fois sortis de l'avion, ayant parcouru des kilomètres de couloirs, ils se placent dans la file des non-immigrants, munis du précieux questionnaire d'entrée. À cause des violentes tempêtes de neige de la semaine précédente, de nombreux vols ont été annulés. Conséquence, les gens ont reporté leur séjour. L'avion est bondé, l'attente à la douane très longue. Quand son tour arrive enfin, le douanier scrute Faustine avec suspicion. Il examine questionnaire et visa, et sitôt qu'il a compris qu'il ne s'agit que de vacances, il se détend, tamponne et rend le passeport. puis fait signer à Maxime d'avancer à son tour après un tonitruant « Welcome to the United States, Christina !» Afin que la fête soit totale, Maxime a triché sur ses rendez-vous. Il s'est ménagé des vacances à des fins touristiques. Ainsi, il n'est attendu à Washington DC que dans 3 jours. Il a donc tout loisir de présenter la grande pomme à Faustine. Après demain matin, ils iront récupérer la voiture réservée au comptoir Hertz le plus proche de l'hôtel, puis ils descendront tranquillement jusqu'à la capitale. Ils passeront 2 nuits à New York et autant à Washington. 40 minutes plus tard, le temps pour Faustine de changer de planète, le taxi les dépose devant l'hôtel Séville à l'angle de la 34e et de Madison Avenue. Tout est démesuré dans ce pays. L'aéroport JFK pour commencer, mais aussi les zones industrielles, les banlieues, les parcs, les milliers d'immeubles lépreux en briques rouges du Queens, souvent abandonnés, on dirait des prisons. Les autoroutes à 8 voies, les doubles et triples bretelles d'accès. Tout est gigantesque sauf les indications sur les panneaux. Grand Central Parkway devient Gdstrlpkw. New Jersey Turnpike devient Njitpike et le reste à l'avenant. Le comble, c'est que cela demeure néanmoins parfaitement compréhensible. Pendant la traversée du Queens jusqu'au Midtown Tunnel, qui rejoint Manhattan à la hauteur de la 42e rue, Faustine a regardé défiler le paysage, sa main dans celle de Maxime. Elle sentait bien la misère partout, mais à part certains endroits très boueux, la neige qui recouvrait le reste scintillait au soleil de février, donnant au paysage un aspect féerique. Faustine est gâtée. Pour sa première fois, New York offre un paysage inhabituel. Depuis les trottoirs partiellement dégagés, les vapeurs qui s'échappent des immeubles, leur chauffage, explique Maxime, s'élèvent vers un ciel à l'indigo parfaitement uni, alors que la neige s'accumule jusqu'à 1 mètre par endroit. Et tous ces escaliers de secours. La sécurité en cas d'incendie. Quelle que soit la taille de l'immeuble, ils sont partout, descendant du toit jusqu'à 3 mètres du sol, avec un mécanisme de levier pour qu'on ne puisse pas monter par là depuis le trottoir. Les feux de signalisation aussi sont marrants, qui se balancent sur leur fil au milieu de la rue, comme la lessive sur les cordes à linge dans les cités italiennes. Faustine tourne la tête comme une toupie. Elle a les yeux partout à la fois. L'hôtel Séville est un vieil édifice ayant connu des jours meilleurs. Oh, le beau cliché que voilà. Le tapis rouge de l'entrée s'arrête au 2e étage, remplacé par un linoléum pelé tout gris. Faustine n'ira pas vérifier, mais il se pourrait bien que les escaliers soient nus au-delà du 4e. La chambre du couple au 1er donne sur l'arrière du bâtiment, autrement dit sur une cour intérieure, vis-à-vis d'autres fenêtres jamais ouvertes, opacifiées par les toiles d'araignée et la crasse. Dans la salle de bain, l'eau pue tellement le chlore qu'on hésite à se laver, de crainte, justifiée, de se voir couvert de plaques rouges. Faustine a posé son bagage sur l'immense lit. Elle aimerait bien se changer avant d'aller explorer la ville. Quand elle veut ranger son bouquin dans la table de nuit, la place est déjà occupée par une grosse Bible. Ah mais oui, c'est vrai, la Bible des Mormons. Ils en parlent dans le Lys de Brooklyn. C'est pour que les couples comme nous puissent se repentir après avoir péché. Exactement, profère Maxime. Viens donc ici, petite pécheresse, que je te fasse mériter ta lecture. Comme toujours, quand il est dégagé des soucis du quotidien ou du boulot, Maxime ne pense qu'à ça. Faustine rit. Ce n'est pas demain la veille qu'elle aura le temps de la lire, la Bible. Ce soir, décalage horaire oblige, ils n'iront pas très loin. Une brasserie bavaroise sur la 7e avenue fera leur affaire. La choucroute baigne dans le sein doux, mais peu importe. « Tomorrow is another day. » De retour à l'hôtel, il plonge avec délice entre les draps frais et ni les sirènes des voitures de police qui sillonnent la ville sans relâche, ni les vociférations outrées d'une vieillarde dans la chambre voisine ne réussiront à les sortir de leur sommeil comateux. Faustine est réveillée par une bonne odeur de café. Merci, mon amour. Ravissement de ce breuvage, insipide mais néanmoins bouillant dans son gobelet isotherme. Encore un matériau nouveau à découvrir. Paraît que ce sont des Suisses qui l'auraient inventé. Ça reste à vérifier, bien sûr. En attendant, même si ce n'est pas joli joli, c'est une bonne idée, car le café y reste chaud longtemps. Habillés, nos deux amis partent en quête de petit déjeuner. Ils remontent Madison Avenue jusqu'à hauteur de Central Park, s'enfilent dans un diner, restaurant typique équipé d'un bar d'une longueur impressionnante et de petits box en rang d'oignon. Ils s'asseyent face au bar sur un tabouret en moleskine rouge et admirent la dextérité du cuistot. Celui-ci dépose sur les plaques de cuisson qui leur font face les commandes des clients. Des œufs au plat, sunny side up ou over easy. Jaune sur le dessus ou cuit des deux côtés. Des saucisses, des hamburgers, des French toast, pain perdu. Ou des pancakes qu'il couvrira d'une montagne de beurre battu et d'une rivière de sirop d'érable. Make your choice. Faustine, bien sûr, voudrait tout prendre, tout goûter. Raisonnable, elle se contentera de pancakes. Un autre jour, elle essayera les toasts au beurre de cacahuète et à la gelée de raisin. On dit que c'est le lunch de base de tout bon Américain. Après ces breakfasts bien consistants, les deux complices redescendent l'avenue en direction du sud. Demain, on visitera l'Empire State Building et Central Park. Mais aujourd'hui, Maxime aimerait montrer à Faustine la pointe de Manhattan, Battery Park, là où éventuellement il mourrait dans sa voiture.